Amis auditeurs de Radioactive, bonsoir et bienvenue dans cette 122e émission de Osez Jazz à tous les étages, saison 5, épisode 14, avec toujours, comme d'habitude, ce générique de Nicolas Gardel et les Headbangers qui nous poursuit depuis tout ce temps, mais quel bonheur à chaque fois. Bacchus, donc extrait d'un de leurs albums de 2017. Voilà, donc toujours la pêche pour démarrer cette émission, que pilote derrière ces machines, monsieur Vincent, toujours là pour assurer la technique. Et puisque l'on parlait de générique, eh bien, on va commencer comme d'habitude avec la rubrique générique qui ne dément pas son succès. Et puis, chaque semaine, je trouve de nouvelles idées, de nouvelles choses. Voilà, on en est au 122e générique quand même que l'on passe, générique ou musique de film, que l'on passe en début d'émission. Et aujourd'hui, on va faire un petit retour en arrière, enfin même un grand retour en arrière, en 1962, avec un des premiers films de Jean-Pierre Melville, le fameux réalisateur français au style tout à fait particulier, tout à fait personnel, des longs plans séquences avec peu de texte, un noir et blanc souvent très très contrasté, très beau, et puis des histoires de policiers et de gens et de voleurs qui se poursuivent, mais toujours avec beaucoup de lenteur dans les mouvements de caméra, de beauté. Et là, en fait, c'est l'un de ses premiers grands films. Ça s'appelle Le Doulos. Et avec comme acteur principal Jean-Paul Belmondo et Serge Reggiani, et également Jean de Sailly, Michel Piccoli, René Lefebvre, enfin bon, un grand polar noir. L'histoire est un peu difficile à raconter parce que c'est un petit peu obscur. Donc c'est une histoire de balance, en fait, parce que dans l'argot de l'époque, un doulos, c'est celui qui est une balance, quoi, qui va dénoncer ses amis voleurs à la police. Et c'est toute une histoire autour de qui est la balance dans un ensemble de malfaiteurs. Et c'est vraiment intéressant. Alors, un film dans lequel il y a quand même pas mal de beau monde aussi derrière la caméra, puisque l'assistant réalisateur n'est autre que Volker Schlöndorff, qui fera lui-même des films à partir de son Allemagne natale, avec pas mal de succès dans les années 70. Le producteur, lui, est italien, c'est Carlo Ponti, qui a produit de nombreux films de gens comme... Fellini et Visconti et autres. Et puis, celui qui s'occupe de la production, c'est Bertrand Tavernier, lui aussi, qui est un grand nom, qui deviendra un grand nom de la réalisation en France. Et puis, les décors, eux, sont signés d'un certain Donald Cardwell. Oui, pour ceux qui regardaient la télévision dans les années 60-70, c'était l'homme qui faisait les décors de l'émission Au théâtre ce soir, et oui, à la télévision. Donc voilà, mais la musique, dont tout ça me direz-vous, eh bien la musique, elle est signée Paul Misraki et Jacques Loussier pour les parties qui se jouent dans des petits bars où il y a toujours un pianiste qui joue des morceaux. Et bien c'est Jacques Loussier qui se charge de cette partie-là. Mais dans le morceau que l'on va écouter, qui s'appelle tout simplement Jazz Rapide, voilà, ils ne savaient pas trop quoi trouver comme titre. Donc ils ont trouvé que c'était un morceau de jazz et qu'il était rapide, donc ils l'ont appelé Jazz Rapide. Bravo les gars. Dans ce morceau, donc c'est Paul Misraki qui compose ce morceau, donc qui sert sur l'une des scènes notamment de poursuite dans le film Le Doulos de Jean-Pierre Melville. On écoute donc tout de suite ce Jazz Rapide. Thank C'était Jazz Rapide, un extrait de cette bande originale du film de Jean-Pierre Melville, Le Doulos, dans lequel faisait une grosse impression à l'époque Jean-Paul Belmondo en 1962. C'était vraiment dans les débuts de sa carrière. Et c'est un film qui a marqué dans les débuts de sa carrière. Voilà pour cette rubrique générique. On va passer maintenant au coup de cœur avec un pianiste américain qui débarque chez nous avec un bien beau projet en trio. Le morceau s'appelle Playing, l'album s'appelle Playing by Ear, l'écoute à l'oreille, donc un garçon qui doit savoir lire la musique, mais qui préfère travailler à l'oreille, en compagnie de Nat Reeves à la basse et Jeffrey Tane Watts, célèbre batteur de jazz, s'il en est aux États-Unis. Et voilà, ils nous refont le coup du trio. C'est toujours un bonheur d'écouter en trio. On en a écouté un la semaine dernière avec Noé Huchard. Et à chaque fois, c'est intéressant de réécouter un nouveau pianiste qui présente un projet en trio, parce qu'on y découvre toujours des choses. Ici, là, c'est la rythmique qui est particulièrement bien mise en valeur avec ces deux complices. Jordan Williams, donc l'album sort ces jours-ci sur le label Red Records. L'album s'appelle Playing by Ear et on va écouter le morceau qui s'appelle Tayamisha. Thank you. C'était le morceau Tayamisha, donc qui doit vouloir dire quelque chose peut-être en japonais, mais je ne suis pas assez fort sur le sujet pour pouvoir vous apporter une traduction tout de suite. Voilà, extrait de cet album Playing by Ear, sorti chez Red Records ces jours-ci. C'était le pianiste donc Jordan Williams, accompagné de Nat Reeves et Jeffrey Tainwatz. Un bien beau trio pour débuter cette émission. Qui se continue tout de suite avec un autre ensemble qui lui est emmené par Archibald Ligonnière. Archibald Ligonnière, c'est un batteur français que l'on retrouve ici sur un album qui s'appelle New Home, un album qu'il a enregistré chez lui. Il a construit lui-même son propre studio chez lui, comme ça il est tranquille. Il fait quand il veut, comme il veut. Et le morceau en fait New Home qu'on va écoutez, bah c'est le premier morceau qu'il a composé dans ce nouvel écrin qui lui permet de pouvoir faire la musique qu'il aime comme il veut. Il y est accompagné, excusez du peu, par Stéphane Guillaume au sax soprane. Stéphane Guillaume qui est un des plus grands saxophonistes français, et ce depuis quand même quelques bonnes années maintenant, hein, puisqu'on l'a accueilli sur le festival Jazz en Touraine il y a déjà bien une vingtaine d'années. Il y a également Tom Ibarra au guitare, Jean-Yves Jung au piano et Gilda Boclay à la contrebasse. Gilda Boclay aussi qu'on a accueilli lui aussi sur le festival Jazz en Touraine. Donc une bien belle équipe autour de ce très bon batteur Archibald Ligonnière. Et on va donc écouter cet album, ce titre qui donne son titre à l'album, A New Home, qui vient juste de sortir dans les bacs. Voilà, c'était Archibald Ligonnière, le morceau qui donne son titre à l'album A New Home, en compagnie de Stéphane Guillaume au sax, Tommy Barra au guitare, Jean-Yves Jung au piano et Gilda Boclet, pardon, à la contrebasse. Vraiment, c'est un bien beau morceau. Et il est dit comme ça que dans ces périodes-là où on s'attendrait à ne voir sortir que des grosses pointures, la réalité nous dément, puisque après ce Archibald Ligonnière que vous ne connaissiez peut-être pas, mais que vous allez connaître maintenant, on découvre aussi un superbe guitariste belge qui s'appelle Quentin Dujardin. Quentin Dujardin sort cet album sur un petit label belge, et cet album il s'appelle Saison Orange. Alors Quentin Dujardin, il a une particularité, il ne joue pas de guitare électrique, il ne joue pas de guitare folk, il joue d'une guitare classique, la guitare à cordes nylon, ce qui permet d'avoir une musicalité assez exceptionnelle dans son jeu. Des cordes donc en boyau et non pas en cordes métalliques, comme c'est souvent le cas pour les guitares électriques et les guitares folk. Voilà, c'est un bien bel album dans lequel il est accompagné du trompettiste norvégien Mathias Eik, mais également de Manu Katché à la batterie, de Nicolas Fisman à la basse, de Didier Laloy, ou Laloy, suivant comme on dit, à l'accordéon diatonique. Vraiment une belle réussite qui permet de découvrir toute la musicalité, la finesse du jeu de guitare de Quentin Dujardin. Plutôt que de vous en parler beaucoup plus longtemps, je vais vous laisser en sa compagnie, donc avec cet album Saison Orange, et je choisis de vous passer le morceau qui donne son titre à l'album, avec une très belle rythmique tournante sur ce morceau, donc avec un certain Manu Katché pour faire tourner cette rythmique. Franchement, c'est tout confort. Saison Orange, Quentin Dujardin. Thank you. Voilà, c'était Quentin Dujardin avec ce morceau, très beau morceau, Saison Orange, qui bénéficiait de l'apport de Didier Laloy à l'accordéon diatonique, de Nicolas Fiesman à la basse et d'un certain Manu Katché, excusez du peu, à la batterie. On va continuer notre exploration des nouveautés sorties avec toujours pas mal de gens qui sont pas forcément très très connus. On va avoir deux bassistes à la suite, là, notamment le premier, Makar Novikov, qui arrive avec son quintet. L'album s'appelle Long Journey, un long voyage. Ça sort tout juste là. Makar Novikov, je ne vais pas faire le malin, il y a 15 jours, j'en avais jamais entendu parler, c'est en faisant des recherches pour cette émission que je suis tombé sur cet album. Donc il est basé en Allemagne, à Berlin, et il est originaire de Russie, et c'est vraiment un des grands spécialistes de la contrebasse sur cette partie un petit peu est européenne du jazz, qui est très riche aussi, hein. On parle toujours assez souvent des pays de l'Ouest, mais il y a quand même, et on en passe assez souvent, beaucoup de musiciens vraiment de très haut niveau dans les pays de l'Est européen, et vous allez pouvoir en juger par le morceau que je vais vous passer là, qui s'appelle Free Fall, qui lui n'est pas et sur l'album dans une version studio, mais là c'est une version live qui a été faite live en studio en 2024. Donc Makar Novikov à la contrebasse, Olivia Trummer au piano, Alexis Sipiagin à la flûte, Gianni Cagliardi au sax et Donald Edwards à la batterie. Vous allez voir, c'est vraiment une très belle réussite. Thank you. C'était donc Makar Novikov Quintet, extrait de cet album Long Journey. Et donc le morceau qui figure sur l'album dans une version studio était là joué en live, live en studio, mais voilà, avec une petite part un petit peu de plus de spontanéité peut-être, en compagnie donc d'Olivia Tremer au piano, Alexis Sipiagin à la flûte, Gianni Gagliardi au sax et Donald Edwards à la batterie. Un jazz tout à fait classique en même temps, mais vraiment superbement réalisé, très bien écrit. Et voilà, ça nous amène à ce deuxième coup de cœur de bassiste qui là nous vient d'un petit peu plus au sud, puisque le monsieur s'appelle Giuseppe Cucchiara. Donc avec ça, inutile de vous dire qu'il est italien. Son album s'appelle First Book Done et c'est là aussi un très très bel album. Comme toujours, c'est un album de bassiste, donc il y a une rythmique qui est assez marquée dans l'album, mais tout en finesse, tout en élégance, tout en raffinement. C'est pas une rythmique tapageuse, c'est une rythmique bien présente, mais tout en finesse, que l'on entend là. Il y est accompagné du saxophoniste Ben Solomon, du pianiste Chris McCarthy, du vibraphoniste dont on avait fait un coup de cœur l'année dernière sur son album Simon Moulier, et de Adam Arruda à la batterie. L'album a été enregistré à New York, où tout ce beau monde habite régulièrement, parce que s'il est italien, Giuseppe Cucchiara, visiblement, il fait beaucoup de choses, il joue énormément, il tourne énormément aux États-Unis. L'album était enregistré en février 2024, mais il sort seulement maintenant. L'album s'appelle First Book Done, et donc on va écouter le morceau titre de cet album tout de suite, Giuseppe Cucchiara. C'était Giuseppe Cucciara avec ce morceau qui donne son titre à l'album First Book Done. Ça vient juste de sortir, là, 2025. Il était accompagné d'un joli aéropage de musiciens franco-américains. Ben Solomon au sax, Chris McCarthy au piano, Simon Moulier au vibraphone et Adam Arruda à la batterie. Enregistré en février 2024 à Brooklyn, à New York. Toujours en provenance d'Italie, un autre coup de cœur, celui pour l'album de Emiliano D'Auria, qui est un pianiste, lui aussi italien, originaire de la région des Marches en Italie, et s'il vit aussi beaucoup en Italie, lui aussi est fasciné par l'Amérique, et donc cet album, il l'a enregistré avec plusieurs musiciens américains, et il a voulu y rendre un petit peu hommage à toute cette population italienne, mais pas que, qui a émigré aux États-Unis dans les années 1880 à 1930, à peu près. L'album s'appelle The Baggage Room, la pièce au bagage, hein. C'est une des pièces qui porte ce nom sur Ellis Island, l'île de New York dans laquelle arrivaient les émigrés en provenance d'Europe à l'époque, et où ils étaient ou acceptés ou refoulés. Pour certains, malheureusement, ils y étaient refoulés. Le tri, je dirais, des émigrants se faisait là-bas, sur Ellis Island, et donc il y avait différentes pièces, notamment cette Baggage Room. Il y a un autre morceau dans l'album qui s'appelle Ellis Island. Donc voilà, la thématique est autour de cette émigration au tournant de la fin du 19e et début 20e siècle aux États-Unis. Et c'est aussi la richesse du jazz d'avoir pu profiter aussi de ces influences, puisqu'il y a énormément d'émigrés qui venaient d'Europe de l'Est. Et c'est aussi eux qui ont apporté une certaine couleur au jazz, une couleur venant de la musique tzigane. Donc c'est vraiment intéressant cette musique qu'ils apportent avec eux et auquel rend hommage ici ce très beau pianiste qui s'appelle Emiliano D'Auria. Il est accompagné sur l'album de Philippe Dizac à la trompette, de Dana Stevens au ténor sax, qui a joué avec Kenny Barron, avec Ambrose Kinmoussiré, donc pas le premier venu aussi, de Rick Rosato à la batterie et de Kweku Sumbri. Donc Rick Rosato, pardon, à la basse, et Kweku Sumbri à la batterie. Et vraiment un bel album. Alors le morceau que je vous ai retenu s'appelle Third Class, c'est-à-dire troisième classe. Là aussi, c'est plutôt dans la troisième classe que voyageaient les immigrés dans les paquebots qui traversaient l'Atlantique pour aller aux États-Unis. Donc là encore, c'est raccord avec le thème de cet album d'Emiliano D'Auria qui s'appelle The Baggage Room, Third Class. Donc je vous laisse en compagnie de ce très beau morceau. Thank you. Third Class, c'était donc un extrait de cet album de Emiliano Doria, The Baggage Room, qui sort ces jours-ci sur le petit label italien Via Veneto Jazz, et où il était accompagné de beau monde, Dana Stevens au ténor sax, Philippe Dizac à la trompette, Rick Rosato à la basse et Kwebu Sombri à la batterie. Là encore, un jazz assez classique, mais avec toujours une patte tout à fait particulière. Voilà pour un petit peu l'actualité de ce qui nous importait dans les jours à venir. Et puis, on va parler un petit peu d'agenda concert avec de nouveaux concerts qui s'ajoutent maintenant à la longue liste de ce qui va nous arriver dans les temps qui viennent. On va avoir notamment au mois de février un très beau concert au Petit Faucheux de Yom et Sekaldi. Alors Yom et Sekaldi, on va en écouter un morceau comme ça vous donnera une idée de ce que c'est. Yom, c'est un super clarinettiste de jazz, mais pas seulement, puisque c'est un garçon qui est très très curieux et qui a toujours voulu aller chercher différents musique pour illustrer ce qu'il a en lui. Et il a travaillé notamment dans l'électro, y compris dans des électros assez percussives, hein, des morceaux très très dansants sur certains albums. Après, il a fait dans la musique tzigane, dans la musique yiddish. Il a travaillé aussi sur des projets qui étaient un petit peu plus électriques. Et puis là, il s'est accoquiné avec les deux frères Sekaldi, Théo Sekaldi et Valentin Sekaldi, qui sont déjà passés régulièrement ici dans cette émission. Théo donc est violoniste et il a déjà une carrière assez longue derrière lui. Parmi ses dernières sorties, il y a un groupe qui s'appelle Koutou qu'il a fait avec une chanteuse originaire de d'Éthiopie. Il y a Valentin Sekaldi, donc qui lui est violoncelliste et bassiste, et lui aussi il a formé récemment, après tout un tas de travail avec plein de groupes, dont d'ailleurs aussi Koutou, un autre groupe qui s'appelle Lagon Noir avec la chanteuse réunionnaise Anno Haro, Marcel Balbonnet et Quentin Biardot. C'est vraiment des musiciens qui aiment pour repousser les limites du jazz vers d'autres musiques. Et là donc Yom à la clarinette, Valentin Sekaldi au violoncelle et à la basse, et puis Théo Sekaldi au violon, on souhaitait travailler plus calmement, je dirais, que dans leurs autres projets, puisque l'album qu'ils ont sorti s'appelle Le rythme du silence. Et ce rythme du silence, en fait, ils vont nous le partager le 12 février 2026 au Petit Faucheux. Et on va écouter un extrait de ce qu'ils ont pu faire lors d'une session live au studio d'Ouster à Montreuil. C'est justement le morceau qui donne son titre à l'album, Le rythme du silence. Vous allez voir, on n'est pas loin d'une musique un petit peu méditative, mais qui est aussi en constante évolution, c'est-à-dire qu'au fil du morceau, ça commence très très cool, et puis petit à petit, il y a une rythmique qui s'installe, qui est mise en place petit à petit par le violoncelle et le violon, et qui vient apporter une sorte de courant musical sous-jacent aux mélodies que joue Yom à la clarinette. C'est vraiment très très beau, et ça risque d'être un concert assez envoûtant. Alors le concert et sera organisé par le Petit Faucheux, mais il aura lieu à la Pléiade. Je vous ai dit Petit Faucheux, mais non, c'est à la Pléiade, co-organisé par le Petit Faucheux, le 12 février 2026. Mais voilà, je vous laisse pour l'instant à écouter ce rythme du silence de Yom et Sekaldi, qui sera donc en concert à ce moment-là. Thank you. Le rythme du silence, donc vous avez vu, c'est très cool. Vous avez pu passer presque un petit moment de méditation en compagnie de ces trois musiciens, Yom, Théo Sekaldi et Valentin Sekaldi, donc qui proposent ce concert que vous pourrez voir le 12 février prochain à la Pléiade, co-organisé avec le Petit Faucheux. Voilà pour cette émission qui touche maintenant à sa fin. Je remercie encore une fois Vincent pour avoir assuré la technique avec brio comme d'habitude. À part ça, eh bien, vous pouvez nous donner vos petits avis aussi sur l'émission, si ce que vous avez aimé ou pas aimé, pourquoi pas. Sur Instagram Osez Jazz, sur Facebook Osez Jazz à tous les étages, ou également vous pouvez réécouter cette émission ainsi que les autres en podcast sur le site radioactivefm.fr, radioactivefm.fr. N'hésitez pas là aussi à laisser des petits commentaires si vous le souhaitez, ils seront toujours les bienvenus. On va donc se quitter comme d'habitude avec une réédition. Une réédition d'un saxophoniste dont on parle pas assez souvent parce que il est un petit peu oublié aujourd'hui. Il s'appelle Gary Bartz. C'est un garçon qui a eu le bonheur en fait d'avoir les deux pieds dans la musique assez tôt, puisque son papa était un tenancier d'une boîte de nuit à Baltimore dans le Maryland, et il y avait pas mal de gens qui, à l'époque, fréquentaient cette boîte de nuit, notamment des gens comme George Benson ou Art Blakey, voilà. Donc, il a pu y écouter pas mal de musiciens de jazz qui étaient de passage, etc., et discuter avec eux. Lui-même a tout de suite frappé par le syndrome du saxophone. Dès l'âge de 11 ans, il était déjà assez doué sur cet instrument. Et au fil des années, avec les connaissances qu'avait noué son papa, il a pu intégrer le groupe de Max Roach dès 1964, puis ensuite chez Art Blakey et les Jazz Messengers, puis ensuite chez McCoy Tyner, l'ancien clavier de John Coltrane, ensuite Blue Mitchell, et puis en 1970, il y a quelqu'un qui aimait bien son style, qui lui a fait signe, et c'était rien moins que Miles Davis, qui l'a accompagné pendant 2-3 années dans la période la plus fusion, la plus électrique de Miles Davis, au tournant des années 70, un jazz qui envoyait bien des influences assez rock aussi par moment. Et voilà, il fallait dans cet environnement-là, il fallait avoir du souffle pour relancer sans cesse la machine. Et Gary Bartz n'en manquait pas. Il a ensuite volé de ses propres ailes avec un groupe qui s'appelait NTU Troop dans les années 70, avec un jazz assez électrique. Et là, c'est un album plus tardif, un album qui est sorti en 1988 sur le label danois Steeplechase, enregistré d'ailleurs au Danemark à l'époque. Et le morceau que je vous ai choisi, c'est celui qui donne son titre à l'album, Monsoon, c'est-à-dire la mousson en français. Bon, c'est pas vraiment une météo à être au Danemark, la mousson, mais enfin, bon voilà, c'est un très bel album, tout simple, hein, ces albums-là aussi, on en parlait la semaine dernière, des albums enregistrés assez rapidement, c'est des labels Steeplechase qui n'avaient pas toujours beaucoup de moyens, donc on essayait de couper un petit peu le les frais. Donc si on pouvait enregistrer en une ou deux journées, c'était bien. Voilà, ça donne des résultats assez étonnants, parce que vraiment de très très belle qualité. À l'époque, Chet Baker jouait assez souvent, enregistrait assez souvent pour ce label-là. Ici, donc, Gary Bartz au saxo alto est accompagné de Butch Lacy, de Clint Houston et de Billy Hart, rien que ça. Et vraiment, Billy Hart, un des très très très très grand batteur. D'ailleurs, le morceau commence par une longue partie solo de Billy Hart, qui met en place le morceau à lui tout seul, et c'est un vrai bonheur à écouter, parce que c'est là qu'on se rend compte que juste avec une batterie, quelques toms, quelques cymbales, il réussit à créer déjà une atmosphère qui fait que quand le reste du groupe rentre, eh ben on est déjà complètement dans le morceau. C'est vraiment un vrai bonheur. Voilà, je vous laisse en compagnie de Gary Bartz. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, que le jazz soit avec vous. Bye.